de connard. J'ai mis telle chose, mettra la pression. J'écasse ma puce avant la mission. J't'allume ta mère ma pute et je rentre en prison. Chérie, va me prendre un gros baveux. J'suis solitaire, me suis dans la tente. J'suis en train de baiser le rap. Un fils dans les terres et je vis dans la tente. J'ai perdu mon temps, j'ai le côté 4. Désolé si j't'insulte ta mère. Manger tes yeux, c'est 4. Poteau, je ne fume pas sur ta mère. Je t'emmène. 663, AMG, le bon emploi. Va lécher, mauvais endroit. Code Michel. Ici ça marche en équipe. Pour moi il vient m'en tirer. Des camos descendus liquides. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Ici ça marche en équipe. C'est tourné. Location dernier Cayenne. C'est tourné. Une tasse très bien plus bonne Cayenne. C'est tourné. Graine de cave chemise hawaïenne. C'est tourné. Shit, coke, arme, yas, mes frères ça vous j'habite. Que du cœur noir par habitude. Au sac de bastos demande un avril. Ok, juge, bleu, broc, bac, pute, traite, vous pardonnez. Ok, sont montés d'abord sur ma bite. J'ai des grosses couches, descends de mon père. J'suis nerf de ma mère, million de dollars, j'me barre de la merde. Grosse pute au bord de la mer. Ok, je tiens le flingue, t'es qu'une tape. Hein. J'fais de la musique, c'est qu'une étape. Hein. Mais la différence, c'est que t'as tout, va compte dans une banque. Comme moi, je me marche en équipe. Pour moi ils viennent m'en tirer. Des cabos descendus liquides. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Ici ça marche en équipe. C'est tourné. Location dernier Cayenne. C'est tourné. Une tasse très bien plus bonne Cayenne. C'est tourné. Graine de cave chemise hawaïenne. C'est tourné. C'est tourné. J'suis avec une beauté rare. Tropical, grâce aux banques, j'ai la montre à Bigard. Ouais, j'ai Rise, un vogue de flicka. On fait des sous, on est des pires que Smika. Allez, allez, la crimara. Valet, valet, j'suis pas au placard. Encore dehors avec un bête de caca. Laisse parler, j'fume du bon shit. Fils de putain, père de Gucci, elle le boutin. Argent sale, je garde bon teint. Le marchand de femme récupère le butin. Grand hôtel, coin VIP, VIP. Vous en payez moi vite, vite. Armé dans la caisse, charge, ralentis. Ça marche en équipe. Pour moi il vient m'en tirer. Des camos descendus liquides. Sous ma vie j'ai rien à prouver. Ici ça marche en équipe. C'est tourné. Location dernier Cayenne. C'est tourné. Une tasse très bien plus bonne Cayenne. C'est tourné. Graine de cap chemise hawaïenne.